Il m'arrive très souvent de penser au suicide. Je me retrouve dans des phases où il n'y a plus rien qui m'intéresse. Beaucoup je vais arrêter au fur et à mesure pour répondre à toutes les questions qui sont dans la question. Premièrement, vous ne pensez pas au suicide. Ça pense au suicide dans votre tête. Je me retrouve dans des phases où il n'y a plus rien qui m'intéresse. Beaucoup d'activités m'entourent. J'aime tout ce que je fais. J'ai à peu près tout ce que je veux, sauf une personne avec qui j'aimerais être de temps en temps. Cela ne peut pas être possible et ça me pousse à ne plus vouloir vivre. Je suis très écœuré. Il n'y a rien que j'aime, rien qui me stimule vraiment. Je veux toujours être avec cette personne et je sais que je rêve toujours. Je suis toujours prise avec cela. Ou prise. Plus rien ne m'intéresse, je veux mourir. C'est tout. Bon, premièrement, c'est du chantage, c'est pas une question. Et en plus, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, c'est une farce de l'ego. Un individu ne veut pas mourir. Et en plus, c'est dans sa tête que ça se pense. Apprenez à expliquer à votre ego, ou apprenez à dire, pas à penser, vous savez déjà penser, hélas. Apprenez à dire que c'est votre ego qui le dit, qui le pense. Chaque fois que des pensées idiotes rentrent dans notre tête, on se demande pourquoi on pense à ça, ou on se culpabilise, ou on essaie de dialoguer d'une façon pensée à pensée avec ces cochonneries. On essaie de les raisonner. C'est pas ça qu'il faut faire. On ne raisonne pas un ego, c'est pas raisonnable. Alors, si j'ai le goût de me suicider, bien, dans ma tête, ça dit, c'est moi qui le dis, mais disons que ça dit. Bon, de toute façon, c'est l'ego qui veut se suicider, qui se suicide, l'estime. Et moi, je continue. Prendre du temps à s'attacher à des choses qui se passent à l'intérieur de nous, comme si c'est nous qui les vivions. Nous ne les vivons pas, nous sommes manipulés, c'est tout. Mais la manipulation s'arrête à l'instant où quelque chose chez vous cesse de se prendre pour l'objet manipulé. Vous ne faites pas ce que ça vous dit. Mais prenez conscience que c'est juste une partie du corps dans lequel vous êtes assis qui vit ça. C'est tout. À un moment donné, un parent dit « m'a le tué, celui-là », pensant à son enfant. Après ça, il dit « oh, je ne devrais pas penser de même, ça peut être dangereux. » C'est pas dangereux de penser comme ça. Ce qui est dangereux, c'est de croire que vous pensez comme ça. C'est simplement de l'information qui passe dans votre tête. Des mots mis bout à bout qui disent « m'a le tué, le petit, à un moment donné ». Et là, mentalement, vous dites, ben c'est ça, tu continues à penser ça, ça t'occupe. Il n'y a aucun danger. Il faut cesser de s'identifier. La personne qui dit qu'elle ne peut vivre que si elle est à côté de quelqu'un, si cette personne-là est assez puissante, elle n'acceptera jamais de vivre avec cette personne. Parce qu'elle veut le détruire, elle veut en faire un esclave, elle veut en faire un objet, une possession. Et en plus, elle fait déjà des espèces de menaces. Tout ce qui vous enrage, tout ce qui pleure chez vous, tout ce qui crie chez vous, ce n'est pas vous. Pourquoi vous devez le dire? C'est pour que réellement apparaisse une scission entre ce que vous êtes et ce que l'on veut vous faire croire que vous êtes. Vous n'êtes pas que de la mémoire. La mémoire est le constituant qui reçoit ce que vous êtes. Cessez de vous identifier à la mémoire, au corps physique, à la vie, L'identification à la vie, c'est l'identification à l'âge. Et cessez de vous identifier à vos émotions. Vous n'êtes pas des émotions. L'émotion, ça fait partie de l'involution, ça fait partie de l'évolution de l'animal humain, de l'initiation lunaire. C'est la seule façon qu'ont les mémoires d'entrer en relation avec la réalité. C'est par l'émotion. C'est souffrant. Pourquoi? Parce que l'émotion n'est que frustration. Même les bonnes émotions, elles engendrent la nostalgie. Elles engendrent par la suite la recherche, la restimulation de l'émotion et la déception. Les mémoires ne peuvent connaître la réalité que par l'émotion. Étant donné qu'ils ne peuvent connaître qu'un millionième de la réalité, elles ne connaissent que la frustration. Vous n'êtes pas de l'émotion. Vos ancêtres étaient émotifs. Et c'est ces ancêtres qui s'expriment chez vous. Là, vous avez le goût de vous suicider. Puis le mental dit, tiens, le cave, le corps, l'astral, le vital et l'ego, le cave, qui a encore le goût de se suicider. Qui continue à penser ça. Ça l'occupe. Comme n'importe quel ego, qu'il soit dans votre corps, s'adressant par votre pensée à votre mental, ou qu'il soit dans votre corps, ou dans le corps d'un autre, s'adressant par la bouche à quelqu'un d'autre, si quelqu'un rentre dans votre maison et commence à dire « ça pue, c'est laid, la vaisselle n'est pas faite, la poussière sur la table, les coussins sont déchirés, la litière du chat est pleine. » Puis que vous continuez lentement à siroter votre V8. T'es venu chez nous, il n'y a pas longtemps. C'est ça. Vous continuez à siroter votre V8 en disant, « Ben, vide la litière, ben, fais la vaisselle. » Et la personne ne chiolera pas longtemps, va aller chioler ailleurs. Ou elle va faire le ménage. Quand votre ego vous emmerde avec ce genre de conneries, ben, dites-lui donc même les mêmes choses. Tant de chiolage à faire par jour, faut que tu le fasses. C'est pas vous. C'est pas l'homme. Est-ce qu'au moment où l'ego sent qu'il perd le contact ou le... l'alimentation qu'il y a avec certaines expériences, par exemple, dans le cas d'un suicide prévu, ou que ce soit pour manger du gâteau au chocolat, si la personne, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas mangé du gâteau au chocolat, puis que là, est-ce qu'à la dernière minute, avant de tout perdre ces mémoires-là, est-ce que l'ego fait un dernier effort plus grand pour lui dire, mangeant du gâteau au chocolat? Absolument. Absolument. C'est le 1, 2, 3 du noyer, là. L'homme est exactement comme un cavalier sur un cheval. Il s'identifie. Le cheval, c'est l'ego, l'homme, c'est le mental. Il s'identifie tellement au cheval. Lorsque le cheval dit « j'ai faim », le cavalier, il dit « ah ben, crime, si j'ai faim, je vais aller manger ». Le cheval se dit « ah, là-bas, il y a de la bonne herbe ». Alors, le cavalier se dit « crime, de la bonne herbe, et m'en a mangé ». Puis là, l'homme, l'humain, qui vit toujours d'une vie qu'il n'aime pas, ben c'est le cavalier à quatre pattes dans le champ en train de manger de l'herbe parce que le cave à côté, il aime ça, le cheval. Et comme lui, il s'imagine que c'est lui, là, il a l'estomac tout plein, ben il a encore faim. Ah, il est sûr qu'il a encore faim. Il n'a pas besoin d'alimentation, il voit un gros gâteau, ah, il a faim. Ah, il mange le gâteau. Il fume, ah, il est nerveux, il fume. Puis etc., etc. Alors que tout ce qu'il a à faire, c'est de se dire, « Minute, crème, j'ai pas faim. » Le cheval, il a faim. Non, mais le cheval, il peut passer une journée, une semaine sans manger. Minute, j'ai pas faim. Fait que je suis pas pour aller continuer à manger de l'herbe. La journée qu'il donne, qu'il dit à son cheval, « Hey, mange, j'en donne un peu d'herbe, tu l'as mérité. » Ça fait un bout de temps que tu m'écoutes, tu l'as mérité. Le cavalier, il attend. Pendant que le cheval mange, il mange plus d'herbe. Alors que nous, les mentons, nous sommes toujours en train de penser que l'astral, c'est nous autres. Fait que pourquoi j'ai mangé encore du gâteau? T'as pas mangé de gâteau. Réveille. C'est le cheval qui a mangé. Mangé de l'herbe. Puis oui, mais le cheval, mon cheval, il mange trop. Exact. Parce que c'est encore lui qui le dirige. Ah, mais chaque fois que je vais à l'écurie, je le contrôle bien. C'est sûr. Lâche les guides, accote-toi de même, on va rentrer à l'écurie pareil. C'est la seule fois que je le contrôle bien. Mais à l'instant où ça commence à être un peu plus difficile, je contrôle plus. Mais comment tu peux faire pour faire en sorte que le cheval n'ait plus le goût d'aller manger de l'herbe? Il va avoir encore le goût. Il faut simplement que le cheval finisse par faire confiance au cavalier. Il faut que l'astral fasse confiance au mental. Un cheval, quand tu t'assois dessus la première fois, il vérifie si t'es un égo, si t'es une tapette, si t'es une andouille. Ah, il commence par vouloir manger à terre. Si tu le laisses faire, ben là, il sait quitter. Après ça, il veut pour rentrer à l'écurie. Ben là, si tu rentres, ben, toi qu'il sait... Là, il sait même plus s'il y a quelqu'un sur son dos. Et puis après ça, il va suivre les autres à la queue leu-leu. Ils vont se kicker un petit peu. S'il y en a un qui part au galop, ben, il veut galoper lui avec. Puis toi là-dedans, qui ça, toi? À un moment donné, il y a des gens qui me disaient, « Ouais, mais son cheval, il m'a kické! » Hey, il t'a même pas remarqué. C'est ton cheval que l'autre kickait, c'était pas toi. Ben, pourquoi il m'a kické sur le pied? Mais pas ton pied ou ce que l'autre kick, c'est tout. C'est tellement simple. Il y en a une qui s'en vient, c'est l'été, le cheval se roule dans le sable, il faisait chaud. « Ah, pourquoi mon cheval s'est roulé sur moi? » Parce que t'es resté en dessous. C'est pas roulé sur toi, le cheval s'est roulé à terre. Nuance. Puis la personne qui comprend rien dit « Oui, mais c'est pareil! » Non, moi, si le cheval me roule dessus, je m'arrange pour m'en sortir. Puis j'haïs pas le cheval. Je sais qu'il fait chaud, puis maintenant je reconnais les signes avant-coureurs d'un cheval qui va soit se rouler dans l'eau, soit dans le sable. Tandis que l'autre, il se dit « Oh, les chevaux sont dangereux, moi j'en fais plus, ils nous aiment pas! » Ben, une grosse différence entre l'humain qui est convaincu que le cheval, c'était pour lui. Mais il n'écoute pas! On peut constater que la majorité des individus que, dans le PMC2, ceux qu'on mettait sur des chevaux, menaient leur vie comme ils menaient leur cheval. Ils rentrent à l'écurie, avant même d'être sortis. D'après ta théorie de fusion possible pour n'importe qui, on aurait de la fusion après fusion. Les 144 000 élus seraient 144 millions. Les doubles vont-ils à leur tour fusionner en d'autres doubles pour donner des triples? Bon, la personne ici, elle pose des questions extrêmement intéressantes, sauf qu'elle niaise trop, elle s'amuse trop égoïquement, elle mélange un peu l'intellect au mental, à l'intelligence dans ses questions. Alors, elle a des questions intéressantes, je le dis pareil parce qu'elle le mérite. Elle a des réponses dans ses questions, mais elle ne recherche pas ses réponses. D'après ta théorie de fusion possible pour n'importe qui, on aurait de la fusion en profusion. Jeu de mots inutile, intéressant, mais con. Les 144 000 élus seraient 144 millions. Les doubles vont-ils à leur tour se fusionner? Alors elle commence maintenant à se répondre. Pour créer des triples. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se niaise elle-même, elle ne veut même pas se répondre. Alors je me demande si ça vaut la peine de répondre. Je vais répondre, mais ces prochaines questions, elle devra les poser. Elle est tout proche d'être capable de se répondre, mais elle ne veut pas, elle se niaise. Quand je dis elle me niaise, c'est parce que ça, elle se projette. Elle répond presque. Un agglomérat s'incarne une seule fois dans sa vie. J'ai expliqué qu'un corps physique, lorsqu'il était prêt, un agglomérat se plaçait sur le canal, puis quand il voyait le corps, il descendait dedans. Si un individu ici a un agglomérat incarné chez lui, donc il a un maître potentiel à développer, savez-vous combien d'agglomérats sont en ligne à queue-leu-leu pour attendre, pour prendre aussi la place dans le même corps? Ça reste 144 853. Les incarnations peuvent être pluralitaires? Oui. Exactement comme deux personnes se disent, on va travailler ensemble dans le même bureau, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on vibre bien, parce que c'est parfait, parce que c'est plus efficace, parce que c'est bon. C'est la même chose qui arrive au niveau des agglomérats. Les autres sont pas là en se disant égoïquement, oui, mais moi, je veux être le seul maître. Moi, je veux pas qu'il y ait personne. Moi, je veux pas ci, moi, je veux pas ça. C'est pas les caves qui sont en haut. Alors, à un moment donné, l'individu devient de plus en plus puissant parce qu'il devient un maître de plus en plus maître. En m'emmenant dans le métro, quelqu'un ne rentrait pas assez vite dans le wagon et j'ai voulu le tasser, mais à ma grande surprise, mon bras ne m'a pas obéi et s'est arrêté avant de lui toucher. Mon corps a fait le tour de lui et est entré. Tout s'est fait en une fraction de seconde. Si c'est le mental qui agit, agit-il toujours sans qu'on s'en rende compte? Bon, la question est légèrement fausse. C'est pas ma soirée d'insulte, je n'insulte pas, je forme. La question est quelque peu fausse parce que si le mental agit-il toujours sans qu'on s'en rende compte, alors qu'elle m'explique qu'elle s'en est rendue compte. Parole fausse, simplement. La personne, elle le sait, mais quand elle le dit, l'ego vient colorer pour que l'ego dise qu'elle ne le sait pas. C'est l'ajusteur de pensée qui a été capable, donc c'est un phénomène mental aussi, effectivement, l'individu, il y a un maître caché chez elle, qui facilite les choses, qui facilite la vie. C'est pas l'ego! L'ego est là, voyons ce qui s'est passé. L'ego va juste constater l'évolution. C'est pour ça que si l'ego dit « Oui, mais quand c'est arrivé, j'ai pas trippé, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu l'extase, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. » Pourquoi il faut absolument qu'on voit tout ça pour devenir Dieu? S'il faut s'arrêter à chaque petite coloration d'esthétisme du chemin divin, va être long avant d'arriver au bout. Pensons donc. Quelqu'un me dit, Dieu ne peut être à la fois bon et omnipotent. Moi, je dis, on ne peut conclure puisqu'il nous manque de données. Lui me dit, s'il y a une contradiction à l'intérieur même du sous-ensemble, il y en a une dans l'ensemble créationnel, bon contre VS omnipotent. Moi, je dis l'inverse. Ce qui semble contradictoire dans le sous-ensemble peut ne pas l'être dans l'ensemble avec des données de plus. Donc, Dieu peut-il être à la fois bon et omnipotent? Bon, les deux individus ont totalement raison. 100% raison, les deux. Ce que le premier explique en ce qui concerne le fait que Dieu ne peut être bon et omnipotent est totalement vrai. Ce que le deuxième dit, vu qu'il manque de données, possiblement qu'on va tout refaire plus tard. Il a aussi raison. Première donnée fallacieuse, dangereuse, menteuse, c'est que Dieu ne s'occupe pas de l'homme. Donc, omnipotent ou pas, il n'a rien à foutre dans notre monde. Les dieux qui s'occupent de l'homme sont des dieux imbéciles par rapport à la conscience intelligente. Ce sont des dieux, ce sont les pieds de Dieu. Ce sont des dieux de loi rigide, ce sont des dieux d'amour. Très, très grand problème. Ce sont des dieux de la matière. Ce sont tous des dieux d'involution. Que nous devons rechercher et digérer dans notre évolution pour les éteindre. Les divinités qui ont créé les archétypes théologiques de cette planète ont été constitués par l'énergie rejetée lors de l'effusion par l'homme. Tout ce que nous n'avons pu terrestrifier, nous l'avons laissé dans certains mondes parallèles, et c'est ce que nous appelons les dieux. Ce sont les dieux qui sont yahviques, qui sont jéhoviques, qui sont Elohim, entre autres, dans le langage plus juif et catholique. Et ce sont des dieux qui ont servi l'homme et qui, depuis leur servitude, asservissent l'homme. Nous sommes en train de nous en libérer. Évidemment, il y a encore plein de gens qui en ont besoin, temporairement. Parce que pour arriver à être écœuré d'être écœuré, il faut se faire rentrer dedans souvent. C'est l'utilité des religions. Moi, mon ego ne te croit pas et je ne me crois pas non plus. quand il s'entendit que le bonheur n'est pas important et qu'il voit plein de gens heureux. Alors, il dit qu'il aurait aimé connaître juste une fois le bonheur que les autres connaissent et au diable le double. L'ego a-t-il raison? Moi, je suis porté à le croire. Regardons ce que, comment un ego s'exprime. L'ego aurait aimé au moins avoir connu une fois le bonheur. C'est un masochiste. C'est comme s'il me dirait, j'aurais au moins voulu avoir un jour, une fois, été millionnaire. Je serais pauvre aujourd'hui, là. Mais ce qui t'intéresse, c'est au moins avoir une fois connu. Je ne sais pas à quoi ça sert, moi, d'avoir déjà connu le bonheur. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir que je vais le connaître. Ah, c'est plus intéressant que de savoir que je l'ai connu. Le bonheur total est un bonheur inconscient. Il est sans doute souvent connu. Mais quand on le connaît totalement, on ne le sait pas. Parce que c'est un phénomène d'instantanéité. L'enfant est souvent totalement heureux, mais il se dit, arrête pas pour se dire, « Hey, crime, je suis heureux! » Puis il continue. Non, celui qui arrête, il dirait, « Hey, crime, je suis heureux. » Mais là, maintenant, j'ai arrêté, je suis plus capable. Ça, c'est bien simple. C'est... Il faut être malheureux pour savoir qu'on était heureux avant. Non, ça c'est le phénomène de l'évolution lunaire de l'animal humain. L'ego recherche quoi? L'ego recherche, qu'est-ce que c'est le bonheur pour l'ego? C'est la sécurité totale. Et il voit plein de gens heureux. Ouais. Il y a un adage indien qui dit qu'on ne doit jamais, jamais, jamais penser quelque chose de son voisin tant qu'on n'a pas fait 10 000 dans ses mocassins. On voit plein de gens heureux. Moi, j'en connais plein de gens heureux. Puis quand on les connaît un peu mieux, là, ils me parlent des gens heureux. Non, l'ego est, sur le plan planétaire, uniquement dans le but de faire sécréter des hormones dans le corps physique de l'homme. Si le bonheur vous fait sécréter, vous serez heureux. Quand le bonheur devient une habitude, vous ne sécrétez plus. Vous devenez malheureux pour continuer à sécréter. C'est le secret de l'évolution. Quand tu ne sécrètes plus quand tu es heureux, puis quand tu ne sécrètes plus quand tu es malheureux. Tu deviens suffisamment égoïque, tu engendres ton corps d'énergie, tu t'es égoïste, tu crées ton double éthérique, et tu as maintenant une raison intelligente d'évoluer. Et une raison intelligente d'évoluer, ça ne s'enseigne pas, ça se découvre. Si je le dis, les égos vont le savoir, puis quand les égos vont le découvrir, ils vont dire, ben non, c'est pas ça, ça va des fois, ça n'a rien changé. Il y a une nuance entre savoir que fumer, c'est pas bon, puis de conscientiser que fumer, c'est pas bon. Bien différent. Il m'en manque un bout. En 1970, j'ai pris un acide. Les trois premières heures de mon voyage furent horribles. J'espère que c'est pas de l'acide sulfurique. Puis lorsque je me suis laissé aller, je suis devenu lumineux, épanoui, je me suis senti éternel, je ne savais plus dans quel siècle j'étais. Ce fut, et c'est toujours, le plus haut moment de ma vie. Était-ce un comptable avec le double éthérique? Non. C'est pas de l'éther, c'est de l'acide. La personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a massacré tellement son corps physique à cette époque que le double vital ainsi que le corps astral sont sortis du corps physique et ont plané dans le monde moroncien un bout de temps. Le plan moroncien, c'est l'endroit où vont les personnes que l'on peut réanimer. Une personne qui est apparemment décédée et qu'on arrive à réanimer, c'est une personne qui flottait dans le plan moronciel. Et c'est de cet endroit que toutes les personnes qui ont compté des choses sur la vie après la vie ou la vie après la mort, c'est de cet endroit que les gens sont revenus. Ce n'est pas le monde de la mort, c'est le monde moronciel, c'est le monde de la vie sans le corps. C'est là que l'ajusteur de pensée se déploie dans le début. Déployé convenablement, il amène de l'information, c'est-à-dire il amène de l'énergie sans information, qui donne une espèce de résultat similaire à ce que les drogués vont chercher, mais sans drogue. La nuance, quand le feu prend dans la maison et que je suis dans cet état, je sors. Le drogué, lui, il ne sait pas, il brûle. autre chose lorsque l'être humain construit son double éthérique, il le construit là. Lorsqu'il entre en fusion avec le double éthérique, il a une bilocation de conscience, une conscience qui sera moronciel par la suite supramentale. Imaginez 10 000 fois l'impression que vous avez eue. C'est l'impression consciente d'un être évolué dans le plan moronciel. Imaginez 1 milliard de fois ce que vous avez vu. C'est le début d'un contact supramental en bilocation. L'acide, ça ne fait qu'informer l'ego de quelque chose qu'un jour la conscience va vivre pour que l'ego puisse dire « Ah, mais ça, c'est pas de l'évolution, ça, c'est, je connais ça, c'est comme quand on se drogue. » Alors que c'est l'évolution. Le fait d'être capable de travailler sur une calculatrice ou un ordinateur, aussi banal soit-il, est une marque, une grande marque d'évolution. Au niveau de l'humanité. Mais ceux qui naissent déjà là-dedans, ils ne voient pas ça du tout. Ils disent, j'ai la petite maudite calculatrice, quand ça ne marche pas, t'as la foutre aux poubelles. Mais c'est une très grande marque d'évolution d'avoir cela en termes de société ou d'être capable de fonctionner avec ça. D'être capable d'admirer une navette spatiale qui décolle, c'est une marque d'évolution géniale. Alors qu'à l'époque, juste le fait de sauter 6 pieds plus haut qu'un autre, c'était quasiment un dieu. La personne, ce qu'elle a vécu, elle a vécu un dédoublement vital, un voyage astral, suffisamment conscient. C'est ce qu'elle a trouvé de plus haut. Quand un être humain commence à travailler sur l'anégoïsation, commence à travailler vers l'immortalité, ce genre de phénomène, c'est ce qu'il retrouve de plus bas. La seule nuance qu'il y a, c'est qu'étant donné que votre contact avec l'intelligence vous amène plus d'informations. La différence de potentiel n'est pas la même. Autrement dit, si je vous prépare à voyager en avion, alors que vous êtes des Pijanjara d'Australie que vous n'en avez jamais vu, ben si on vous prépare pendant 6 mois à prendre l'avion, quand vous allez le prendre, ce ne sera pas le même choc ou le même trip que si subitement on vous met dedans. Plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain boit de l'énergie, plus l'être humain se prépare, et moins l'être humain voyage, tripe, lorsqu'il entre en contact avec du neuf et du mieux. C'est pourquoi l'ego ne considère pas cela comme étant très neuf ou très mieux. Pour beaucoup d'êtres humains, juste le fait d'être capable de comprendre ce que vous comprenez est déjà un immense bonheur. Ils aimeraient être comme vous. Alors que pour vous, ben c'est d'autres choses. Ce « vous », c'est l'ego. Parlez-lui. Instruisez-le. Raisonnez-le pas. Dites-lui de se la fermer. Dites-lui qu'il aura son petit gâteau plus tard. Vous devez devenir les maîtres, contrôleurs de votre corps. Vous ne contrôlerez pas votre vie parce que la vie est assujettie à l'intelligence. Et non pas à un corps animé par un ego. Tant qu'il y a de l'ego dans l'homme, tant que l'âme n'est pas pure, l'être humain n'a pas de libre-arbitre. On est maître-contrôleur dans son corps, c'est-à-dire que nous allons déterminer ce qui va s'exprimer par notre corps. Ce qui va émotivement être transmis ou ce qui va être énergétiquement transmis. On reste manipulé du point de vue de la vie, c'est-à-dire que lorsqu'il neige, il neigera quand même sur notre tête. Maître contrôleur veut dire que nous interdisons totalement les expressions frustrées de l'ego parce qu'il neige. Ça ne sert à rien. Ça sécrète émotivement. ça accélère mon cœur, ça accélère mon système digestif, ça me fait rougir, ça me rend irritable, je deviens agressif, je deviens nerveux, je me mets à chialer. J'interdis cela. Je suis mon seul maître. L'ego à l'intérieur vit la frustration et je lui dis, si tu veux t'exprimer ou si tu veux sortir de la maison, change. Et de cette façon, l'ego, lentement, va s'anégoïser. C'est-à-dire qu'il va fondre. Il va devenir plus intelligent. Et je vais créer mon corps d'énergie, mon double éthérique. Lorsque j'ai un double éthérique, je commence à avoir les mêmes contacts que les meilleurs drogués peuvent avoir. Sans effet secondaire, avec uniquement des effets positifs. Nuance. Il y a des effets secondaires, mais pas comme on le conçoit. Quand tu prends de la drogue, il y a un effet secondaire contre l'évolution, un effet positif pour l'involution. Ah, le Lego trip. Quand tu vis cela, pour l'évolution, il n'y a que des effets positifs. Alors, pour l'ego, il y a des effets secondaires. Qui, à la longue, finissent par être ce que l'ego a toujours voulu. Tout ce que les égos humains veulent, vous pouvez leur donner. Et je parle au mental. La problématique, c'est que vos égos veulent vouloir, mais ne veulent pas avoir. Ils veulent vouloir, mais ne veulent pas être. Parce qu'un égo qui a passé des millions d'années à vouloir quelque chose, finit par s'énergiser dans le vouloir. La journée qu'il l'a, il ne peut plus vouloir, il ne se reconnaît plus. Alors il a l'impression d'être totalement détruit. Du point de vue cosmique, il est détruit. Pour la simple raison qu'il est amélioré. Il est changé, il est meilleur, il est mieux. Il est plus confortable, il est plus pur. Alors, ce n'est pas ce qu'il était avant. Avant, il était impur, il était sale, il désirait des choses régulièrement, il jalousait, il avait peur, il s'ennuyait. Quand je parle de destruction de l'ego, je parle de destruction de la mort. C'est comme quand je dis à un humain, la journée que tu as un contact avec l'intelligence, avec ton esprit, tu deviens immortel. Ah, les égos, ils ont peur, en maudit. Elle est devenue immortelle. Crime. Je m'ennuie les soirs avant de me coucher pour devenir immortel. Pourtant, c'est ce que l'ego veut. Et je dis que lorsque l'ego sera immortalisé, ben, il ne sera plus comme il est. Ah, ben là, je ne sais plus comme je suis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si tu veux rester comme tu es, tu vas rester mortel. T'es des niaises. Tu peux pas devenir grand si tu veux rester petit. Tu peux pas être gros si tu veux rester mince. Ça ne fonctionne pas. En autant que Passepartout continue de jouer, moi, dans 100 ans. Ça passe partout. Que faire quand tous les chemins sont fermés et qu'il n'y a plus que l'attente qui dure depuis que tu es né, que tu le sais et que tu sais que rien ne va changer, que l'illusion est bien plus dans ce que tu dis que dans le fait que ça ne changera pas. L'ego est un être qui expérimente. Expérimentant, il accumule de l'information. S'informatisant, il finit par créer l'habitude. L'habitude étant le besoin d'alimenter la mémoire pour ne pas l'oublier. Cela devient une synergie. La personne ici, elle sait que les chemins sont fermés. Cela dure depuis qu'elle est née. Et l'ego finit par s'habituer tellement à cette condition que l'ego projette dans la conscience astrale que c'est éternel, que ça ne changera jamais. Alors que depuis qu'elle est au monde, bien des choses ont changé. Si je discuterais avec cette personne-là, elle en aurait des choses à compter. Ça change. Mais vous devez prendre patience. C'est quoi prendre patience? C'est pas d'être assis à attendre que ça change. C'est de continuer à changer, à attendre que vous puissiez vous en rendre compte. Vous êtes patient. Vous êtes dans un ascenseur qui monte. Les 5 premières années de votre vie, elle accélérait. Vous saviez que vous bougiez. Mais depuis 20 ans, elle n'accélère plus. Elle monte à une vitesse régulière et stable. Alors vous êtes convaincu que vous êtes arrêté. J'ai l'impression que ça commence à bouger. Et lentement, vous allez finir par dire, écrire, mais ça n'a jamais arrêté. Dans l'accélération, vous le savez, ça fait 20, 30, 40, 50 ans que ça va à un rythme plus ou moins égal. À un moment donné, dans votre vie, il y aura une autre accélération. Et là, vous aurez l'impression que ça recommence. C'est ce que les gens ont souvent après le séminaire, l'impression. Ça ne recommence pas. Ça bouge un peu plus vite. Ça n'a jamais arrêté. À un moment donné, ça ralentit et ça redevient stable. Et les égos ont l'impression que ça a diminué, diminué, paf, que je suis dans le tout total, je suis arrêté, plus rien à faire. Tous les égos qui ont présentement l'impression que leur chaise ne bouge pas ne peuvent pas comprendre l'évolution. Un avion en réaction qui vole à Mach 3 dans la direction de la rotation de la Terre n'est pas assez rapide pour la rattraper s'il vole à l'équateur. Nos chaises ne sont pas à l'équateur, elles sont à Montréal. Mais dans l'espace, il se déplace à une vitesse. Alors, on a quand même l'impression qu'on ne bouge pas. Alors que nos chaises sont sur une Terre qui est en rotation 24 heures sur 24 et en translation 365 jours et quart par année, sans compter le mouvement galactique de déplacement du Soleil, alors nos chaises bougent et nous autres avec. Parce que nous ne sentons pas d'accélération, nous concevons que nous sommes immobiles. Alors le soleil se lève et s'en va. C'est nous qui nous déplaçons. Alors les étoiles changent. C'est nous qui nous déplaçons. Nous sommes immobiles. Dans l'évolution, c'est la même chose. Vous avancez régulièrement. Suffisamment stable, avec des soubresauts de temps en temps d'accélération ou de décélération. Et l'ego ne le reconnaît pas. Alors l'ego se dit j'attends, j'attends, j'attends, j'attends. Et continuez à attendre. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. De toute façon-là, vous nuisez pas. La patience, c'est d'attendre que la conscience nous fasse voir les choses telles qu'elles sont. La patience, c'est pas d'attendre de commencer à faire quelque chose. Bien souvent, la conscience apparaît lorsque le luxe et le confort apparaît. Vous allez avoir une conscience suffisamment grande lorsque vous serez suffisamment muté, suffisamment en contact avec votre ajusteur de pensée, votre intelligence supramentale, votre esprit, pour que l'extérieur commence à être plaisant pour votre ego. Et là, l'ego va dire, ça y est, là c'est mon temps, je peux commencer. Non. Toujours, ça a toujours été votre temps. Mais vous allez vous en rendre compte, quand vous souffrirez moins d'avoir la conscience. Lorsque l'être humain est suffisamment égoïsé, la conscience se déploie. Conscience trop déployée quand il y a trop d'ego. Premier danger, destruction du corps par destruction du système endocrinien et neuronique. La personne devient folle, désajustée, paranoïaque, théoloïaque. Deuxième danger, MTS, marqué de la transition supramentale. Mais ça va vite. Imagine-toi qu'on peut avoir la Troisième Guerre mondiale d'ici 2-3 ans. Puis les gens, ils trouvent que ça va lentement. La veille de la guerre mondiale, on trouve que ça va vite. Pas 3 ans, là. Explique le phénomène de la combustion instantanée. Bon, j'en ai déjà parlé. Cassette 48, point de 15, 127, 177, 212. Oh, B. B. B. Tu me passes d'autres questions, puis on va revenir sur... Quels sont les résultats à court terme, à court et à long terme, de la pratique de la technique Menfi au niveau de la santé du corps physique et psychologique? Cette pratique rend-elle l'évolution plus agréable du point de vue de l'ego? Bon, est-ce que la pratique rend l'évolution plus agréable du point de vue de l'ego? En tout cas, ça la rend pas mal plus agréable du point de vue du mental. Les résultats à court et à long terme de la pratique de la technique Menfi au niveau de la santé du corps physique et psychologique. Les techniques que j'ai mises au point sont des techniques qui transforment l'humain. Ce ne sont pas nécessairement des techniques qui se vendent bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, et comme tout à l'heure je te disais, il y a quand même plusieurs personnes qui me détestent. Et je les ai toujours avertis, les techniques du PMC ont un défaut, c'est qu'elles fonctionnent. Or, à un moment donné, l'individu ne me déteste plus. Il ne peut pas m'aimer. Il est trop évolué pour ça. Sauf que les techniques ne sont pas des techniques qui sont faites dans le but d'améliorer la santé, d'améliorer la condition psychologique. Ce ne sont pas des techniques que l'on vend en disant « Inscrivez-vous, vous allez maigrir, vous serez plus beau, vous payerez plus. » Ce ne sont pas ce genre de techniques. Ce sont des techniques qui font en sorte que le mental devient le maître contrôleur du corps physique, c'est magnifique. Techniques Canvi sont des techniques où le mental parvient à canaliser l'énergie vitale. Canvi, canalisation de la vie. Les techniques Ecofi sont des techniques qui restructurent le corps physique pour en faire une écologie physique convenable. Ecofi, écologie physique. Les techniques Ajupen sont des techniques d'ajustement de la pensée. Ce sont des techniques PMC, reliées au programme maître-contrôleur, qui font en sorte que l'individu devient son maître-contrôleur. La technique Menfi est une technique qui peut permettre à un individu couché dans un lit d'hôpital, avec deux jambes et un bras dans le plâtre, de faire du conditionnement physique et de sortir de son lit d'hôpital un peu plus en forme qu'avant d'y rentrer. Mais ça, c'est un effet très secondaire de la technique Menfi. La technique Menfi permet à des hommes d'affaires, des femmes d'affaires ou des personnes qui ne peuvent pas trop gesticuler devant leurs employés ou devant leurs clients, de faire du conditionnement physique 24 heures sur 24, même la nuit en dormant lorsque c'est cellularisé. Mais c'est un effet secondaire. La technique Menfi est là comme... Pourquoi elle est intéressante du point de vue de l'évolution supramentale? C'est comme un art martial. Elle permet au mental de contrôler le physique. Donc, elle désassujettit l'ego et l'astral des voies d'expression par le corps physique. De même qu'un adepte qui pratique pendant 10 ou 15 ans un art martial, bien parti, bien pratiqué, finit par avoir une confiance en lui. Il finit par être moins manipulé par les événements. Il finit par être plus stable psychologiquement. C'est que la pratique de son art obligeait le mental à faire des mouvements neufs, non naturels. Le mental prenant donc le contrôle du corps par apprentissage à connaître les mécaniques, l'ego est de plus en plus désassujetti. Alors s'exprimant moins, l'ego ne peut lire la peur, ne peut lire les contraintes, et l'ego a l'impression qu'il est plus calme, plus maître de lui. Menfi élimine les années de pratique, transforme cela en quelques mois de pratique, et le résultat intéressant, c'est le désachutissement de l'astral dans les voies de contrôle du corps physique. Men, mental, fi, physique. Le mental prend le contrôle. Mais en plus, ça énergise le corps vital. Donc, un autre effet, moins secondaire, mais plus utile, mais non l'effet principal, c'est que le corps vital de l'individu devient suffisamment sensible que les sens vitaliques, perception vitale, commencent à se développer. L'individu parvient même à diminuer la douleur physique, à empêcher le corps d'être brûlé. S'il touche quelque chose de trop chaud. Et on pourrait en parler. Mais ce sont des effets carottes. J'appelle ça des effets carottes. Les gens s'inscrivent pour tout ce qui est inutile. Au secondaire. Plaisant. Remarquable. Là, c'est parce que c'est l'ego qui s'inscrit. Ben oui. C'est lui qui paye. Comme j'explique souvent aux séminaristes, qu'est-ce que c'est qui est intéressant? Je prends une arme à feu, je vous tire en plein visage. Vous bougez un peu et je perce votre oreille. Vous vous concentrez au bout d'une demi-heure, vous allez refaire votre oreille. Je tire un coup de feu sur le visage d'une autre personne. Je manque mon coup. Lequel des deux est le plus évolué? Celui que j'ai manqué. Parce que celui que j'ai manqué est tellement évolué que l'intelligence va structurer l'événement pour que je le manque. Alors que l'autre, de prendre une demi-heure à restructurer son oreille. La technique Menfi ou les techniques du programme Maître Contrôleur n'amènent pas. Ils amènent secondairement à certains individus, à un moment donné, on maigrit en dedans d'une semaine. J'en connais une, c'est un médecin. Sa spécialité, travailler pour des cures d'amaigrissement. Ça a quand même marché sur elle. Puis à un moment donné, elle a arrêté de menfiser parce que celui qui passe deux fois devant le soleil fait de l'ombre. Il y a beaucoup d'effets secondaires très intéressants. Et si on voudrait en parler, il y aurait plein de gens qui s'inscriraient ou qui viendraient aux conférences. La problématique, c'est que tous ces gens recherchant ces effets secondaires ne les obtiendraient à peu près jamais. Dans l'ordem, qui est l'art de l'entraînement de l'intelligence en mouvement, on apprend à donner des coups de poing. Et on apprend à frapper des cibles pour canaliser l'ego. Je saute des mouvements. Et on apprend que si on veut défoncer quelque chose, on ne doit jamais viser psychologiquement la cible. On doit toujours viser au-delà de la cible. Parce que lorsque l'on va frapper, l'ego va commencer à ralentir le mouvement quand le poing va commencer à atteindre la cible. Si je vise de l'autre côté, je vais commencer à ralentir. Oui, bien la cible va être démolie complètement. Dans n'importe quelle mécanique, c'est la même chose. Tant que l'humain évolue avec un ego, il doit viser au-delà de ce qu'il veut avoir. Quelqu'un vise la restructuration biologique par la technique Menfi, la cicatrisation rapide, ça se fait. Mais si elle vise cela, elle va travailler 2-3 ans de travail. si la personne vise le total contrôle mental du corps physique, pour des raisons qu'on explique au niveau du cours, elle aura peut-être ces résultats-là très rapidement. C'est pas ça qu'elle vise. Nous pourrions vendre ce cours à des gens qui s'inscriraient pour les effets secondaires, alors qu'ils devraient travailler énormément pour aller les chercher. Et on peut donner ce cours à des individus qui, eux, ont l'attitude mentale à vouloir être des maîtres chez eux, pas des maîtres chez autrui, à vouloir devenir aristocrate, à vouloir devenir une élite neuve, à vouloir devenir des êtres humains qui vont se sortir de ce désachetir des manipulations de l'animal humain, de l'initiation lunaire, à vouloir être des êtres humains qui seront capables de vivre pleinement, quelles que soient les circonstances évolutives planétaires. Ces êtres-là peuvent faire ce genre de cours avec comme objectif un contrôle mental du corps physique. Ils auront des effets secondaires intéressants qui pourront leur servir. Alors, les effets à long terme, les effets à moyen terme, l'effet que l'on doit rechercher dans une technique PMC, c'est un effet à très long terme. C'est un effet qui s'échelonne, un effet qui devrait s'étirer sur minimum 500 années. Daniel Kemp fait des conférences à des individus qui ont, dans la majorité, le potentiel parfait pour avoir un ajusteur de pensée opérationnel, qui ont la capacité, s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'attirer des agglomérats spirituels, qu'on appelait maîtres tout à l'heure, qui ont la capacité génétique, psychologique et énergétique de devenir immortels dans cette vie-ci. Et c'est uniquement à partir de ce point de vue que nous pouvons considérer comme étant intelligent et logique d'étendre notre évolution sur un minimum de 500 années. Si vos corps physiques disparaissent, vous n'êtes pas mort. Vous serez conscient dans le monde tripant de l'acide, dans le plan moronciel. Vous vous réincarnerez ou posséderez un corps physique en étant toujours vous. Et ceux avec qui vous avez commencé le travail, vous pourrez le continuer avec. Le travail se fait sur des centaines d'années par la suite. Et non comme on le considérait dans l'Antiquité, sur quelques années, avec l'espoir de se fusionner, soit avec les dieux, les agglomérats, pour renaître aux côtés de Dieu, l'agglomérat spirituel. Alors je te disais, ça peut être l'être divin, mais c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas à ces humains que je m'adresse. Je m'adresse pas encore à l'animal humain. Il y a beaucoup de choses que je vais faire pour lui. Et il devra devenir un être humain. Mais la majorité des conférences s'adressent uniquement à ceux qui ont le potentiel de devenir immortels, c'est-à-dire d'avoir un double éthérique dans cette vie-ci. Et par la suite, ils pourront avoir un peu plus d'informations sur la mécanique permet le travail sur plusieurs centaines d'années. Vous ne mourrez pas. Le corps physique, je m'en fous. Un jour, le corps physique ne mourra pas non plus. Il sera éthérifié sur un corps de lumière. Lorsque l'ego se dit « Oui, mais j'aimerais ça l'avoir maintenant. » Tu l'aimes tant que ça, ton corps. Il est parfait, ton corps. Mais t'as rien vu. On ne pourrait pas toucher notre problème d'assurance-vie, si on va l'avoir sur le plan. Tu meurs, puis tu la... Tu peux te la léguer par testament, puis tu reviendras l'utiliser. C'est la fiducie testamentaire. Puis celui qui connaîtra le numéro pourra le prendre. Puis en revenant, tu l'auras. Mais ça fait partie des clés du contrôle de l'avenir. Elle m'a donné des séminaires, j'ai déjà expliqué ce genre de choses. De quelle façon on peut préparer un minage pour qu'effectivement, tout ce que nous allons accumuler dans le restant de cette vie biologique nous soit redonné quand nous allons revenir. Merde, c'est nous qui allons revenir. Recommencer encore? Il fallait le faire. Parce que c'était pas nous qui revenions. Mais quand l'être humain arrive à une conscience supramentale, c'est lui qui va revenir. Alors il est intelligent, logique, conséquentiel de préparer pas nos enfants, mais les 30 prochaines générations. Parce que nous ferons partie de plusieurs de celles-là. On reviendra. La combustion instantanée. C'est pas la combustion lente, ça. C'est une autre. Oui, c'est un contact avec le gaz métropolitain de l'astral. La combustion instantanée, il y en a plusieurs sortes. Bon, brièvement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est lorsqu'un individu est en train d'écouter la télévision et que... Je pensais qu'il écoutait tes cassettes. C'est jamais arrivé jusqu'à là. Lorsqu'une personne écoute la télévision, elle écoute Passe-Partout. Ah ouais. Elle écoute Passe-Partout. Et puis, une demi-heure après, 20 minutes après, la personne, c'est juste des cendres. Oh, peut-être qu'on trouve quelques dents, quelques morceaux d'os. Elle a brûlé. Combustion spontanée. C'est pas une combustion instantanée, c'est une combustion spontanée, le terme exact. Spontanée, c'est qu'il n'y a pas de flamme. On ne met pas le feu après. Mais elle peut mettre le feu après d'autres choses. Alors, elle a le feu. Pas nécessairement là, ma frère. À un moment donné, il y a sur cette planète des lieux interdits. Dans ces lieux interdits, il y a des lieux qui sont mobiles, des lieux qui sont fixes. Les lieux interdits sont dans plusieurs cas des connexions entre différents mondes parallèles. Mondes parallèles qui interdisent totalement la structuration atomique comme nous la concevons, comme nous la connaissons au niveau de nos corps physiques. Dans ces lieux interdits mobiles, à un moment donné, certains contextes font en sorte que des portes de mondes parallèles se trouvent ouvertes là où il y a un individu ou une partie d'individus. Et automatiquement, il y a une destruction atomique. Ce n'est pas une vraie combustion. Une destruction atomique qui fait que l'individu ou la partie d'individu dans ce contexte, dans ce lieu interdit, où il y a des portes parallèles, des portes des mondes parallèles qui présentement sont totalement en contact, vont être totalement précipités à travers ces mondes parallèles et totalement détruits du point de vue de la matière. Lorsque une personne n'a vécu une combustion spontanée chez elle, nous pouvons retrouver par exemple ses deux jambes totalement brûlées, les pieds intacts, les souliers intacts, le tapis intact, les chaises intactes, le reste du corps intact, mais les deux jambes totalement calcinées. Tout ce qui a touché les jambes est totalement détruit, mais autour, non, le feu ne s'étend pas. Un individu dans un automobile qui vit une combustion spontanée, le verre sera totalement liquéfié. La température du corps ne peut atteindre un degré tel que la tôle et le verre vont être liquéfiés. Mais dans une combustion spontanée, oui. À un moment donné, un sous-marin nucléaire s'amusait à faire des 8, symbole ésotérique de l'infini, symbole mathématique aussi, dans le triangle des Bermudes, et il repassait dans les traces radioactives, le peu de traces qu'il laissait derrière lui. Le porte-avion Nimitz a vécu la même chose. Et à un moment donné, le sous-marin a disparu, il est revenu. Lorsqu'il est revenu, les marins à bord se sentaient totalement brûlés. Et ils sentaient des brûlures, et lentement, leur corps disparaissait, se dissolvait. Lorsqu'ils se touchaient les uns les autres, ils revenaient. Il y en a encore dans certains hôpitaux militaires de la Floride. Et certains de ces personnages, finalement, disparaissent totalement. C'est une surcombustion spontanée, c'est-à-dire qu'ils ne laissent même pas de traces. Mais dans le passé, on avait, dans ce contact entre les mondes parallèles, lorsque les corps physiques ne sont pas capables de supporter ce contact, l'individu ou la partie de l'individu qui vit cela vit une combustion spontanée. De temps en temps, il y aura des régions planétaires, une partie de désert totalement brûlée, avec le sol liquéfié. Alors on va dire qu'il y a eu peut-être une soucoupe volante qui atterrit là. C'est pas nécessaire. C'est une combustion spontanée, mais il n'y a pas de corps humain là. C'est le sable ou les arbres qui ont été brûlés. Il y a d'autres formes de combustion spontanée intéressantes. C'est lorsque, dans l'Antiquité surtout, l'Antiquité pour moi c'est 20 ans descendant, dans l'Antiquité, lorsqu'un individu allait travailler au niveau des forces occultes, parce que les forces occultes, c'est le contact avec les forces sataniques, belzébuciennes ou luciférienne, c'est beaucoup plus proche de la matière, donc beaucoup plus facilement acquérissable. Lorsque l'individu allait voir un peintre et qu'il demandait au peintre de faire une peinture ésotérique, une peinture occulte, qui préserverait l'individu des accidents, et qui préserverait même, prolongerait même sa vie. Ça se fait, pas de problème. Alors, on prenait des rognures d'ombre, on prenait des morceaux de tissu, des cheveux, des vêtements de l'individu, et on les incorporait à la peinture, et quand on faisait la peinture, la toile, eh bien, l'individu est dedans. Tant que la toile était en sécurité, l'individu est en sécurité. À un moment donné, une personne se promène sur la rue, c'est passé à Nice, en France, et subitement, elle a commencé à trimballer, à crier, à rouler par terre. Le feu est apparu sur elle. Elle a complètement brûlé. Sa maison brûlait. La peinture aussi. Alors, elle a brûlé l'évêque. C'est ce qu'on appelle aussi une forme de vaudou, c'est-à-dire c'est comme si on prend une poupée. On prend des parties d'un individu, on plante des aiguilles dedans, on peut arriver, c'est de l'acupuncture vitale, qui dans ce cas-là, évidemment, est appliquée d'une façon plus profonde. Et ça perturbe les individus à distance. C'est ce qui est arrivé là aussi. C'est une autre forme de combustion spontanée. Peut-être que la première combustion spontanée de laquelle tu parlais, c'est un accident mécanique. Ça n'a rien à voir avec l'évolution de la personne ou il n'y a pas de magie noire ou de sorcellerie. C'est un accident. Pas c'est un accident, c'est pas un accident. C'est une mécanique. Et l'addition mécanique a fait qu'un corps ou une partie de corps humain était là. Pour le corps humain, c'est un accident. Ou une manipulation. Ouais. Mais disons que c'est un accident qui n'est pas accidentel. C'est un accident mécanique, prévisible. Les portes, on peut prévoir, on peut savoir où elles vont apparaître, ces portes. De façon à les éviter. Mais l'être humain, présentement, le gros problème, il y a tellement de choses que l'être humain peut faire. L'être humain peut connaître son avenir en réincarnant des mémoires du futur. L'être humain peut connaître où bâtir une maison. L'être humain peut connaître où la mer, la terre, va parler, où il y aura un tremblement de terre. L'être humain peut connaître tout. La problématique, c'est que dans l'être humain, il y a l'animal humain, le virus, il y a l'ego. Et l'ego ne peut pas connaître. Imaginez un ego qui saurait que dans 6 mois d'ici, vous allez vous casser une jambe, qu'un autre va divorcer. Imagine-toi, c'est faux, mais imagine-toi que dans 2 ans, tu sais que tu vas divorcer. Autant divorcer tout de suite, hein? Mais c'est non! L'expérience de transformation de ton corps physique nécessite ces 2 années d'enclumage. Alors ton ego ne le sait pas. Parce qu'il faut pas qu'il sache. Et l'ego va dire quoi? L'ego va dire, mais j'ai toujours des visions qu'on était pour avoir des enfants, qu'on était pour vivre heureux, puis je me suis fait fourrer. T'es pas fait fourrer! La seule façon que tu restes en ménage, c'est qu'on te donne ça. La personne tout à l'heure qui dit « Oui, mais j'ai besoin de bonheur. » On va y en donner, du bonheur. Elle va souffrir un peu plus après. Le fait de savoir 2 ans d'avance, dans l'exemple du divorce, le fait de savoir 2 ans d'avance, il y a bien des chances que ça n'arrive pas. Non. Parce que tu sécréterais pas mal. Tu ne le sauras pas 2 ans d'avance. C'est encore plus simple. Il y a des choses que je sais que je ne peux communiquer. Il y a des individus avec qui je travaille, il y a plusieurs choses que je sais que je ne peux dire. Parce qu'eux ne peuvent l'entendre. Et moi, je continue. Certaines personnes me disent, oui, mais pourquoi tu laisses faire ceci? Alors, je leur explique, c'est simplement pour vérifier si le temps est là. Non, c'est que les individus doivent passer par des phases. Alors, je les laisse s'officiser, par exemple. Certains comprendront. Je sais que ce n'est pas le temps, je sais. Sauf que je n'ai rien à faire pour empêcher. Je ne m'en mêle pas. Il faut pas le dire. Non, je ne m'en mêle pas. L'individu le fait. Et l'individu vit l'expérience qu'il a à vivre et par la suite, on continue le chemin. Ce n'est pas une joie et ce n'est pas un plaisir de tout connaître quand on a de l'ego. Parce qu'on a un problème de plus. On s'entend se dire, non, je dois continuer. Ça va foirer, mais je dois continuer. En 82, je sais qu'un projet que j'ai, qui me tient à cœur, va foirer vers... Non, en 74, je sais que ça va foirer en 81. Et qu'en 82, je suis encore ici. De 76 à 79, je mets toutes mes énergies, je mets des dizaines de milliers de dollars, je mets tout ce qu'il faut. Je veux simplement prouver à je ne sais qui n'aura pas raison. Je suis encore ici. Il y a eu raison. Mais je savais, et je sais encore bien des choses, que maintenant, ça ne vaut pas la peine de tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est merveilleusement parfait que ça arrive, sauf qu'on doit s'occuper en attendant que ça arrive. Et normalement, l'ego s'occupe avec l'illusion d'atteindre des buts, de bonheur. Avoir une famille, avoir des enfants, quoi de mieux? Mais 15 enfants, 20 ans, ça cloue quand? C'est inévitable. Donc, ton bonheur est une vraie farce. Mais le temps que tes enfants s'en aillent, tu auras évolué. Tu ne rechercheras plus cela. Tu rechercheras le jour où ils vont partir. Et de carotte en carotte, à un moment donné, tu finis par te dire, « Là, j'ai plus besoin de ça. Je change, j'apprends, je suis moins frustrable. Je comprends des choses neuves. J'accepte de nouvelles formes, de nouveaux concepts. Je n'y crois pas. Je ne les renie pas. Je leur laisse une place. Et je m'en servirai comme énergie, comme tremplin, si ce n'est pas le but. Il n'y a aucun problème. » Lentement, l'individu fait de la négociation. Lentement, l'individu aura moins peur de la mort. Parce qu'il sera moins mortel. Lentement, l'individu commencera à devenir conséquentiel, donc à conséquentialiser ses gestes et ses actes. Parce qu'il est de plus en plus immortel. Le fait que l'ensemble de la population commence à être plus concernée par la qualité de l'environnement, est-ce que ça démontre que de plus en plus... La majorité ont déjà des prémices de création de dométhériques. Quand on commence à se dire, oui, mais merde, ça pollue, tu vas être mort, change-toi, c'est pas correct. Il y a quelque chose dans l'humain qui commence à lui dire, mon petit, tu risques de revenir puis de savoir que tu reviens. Alors, il y a quelque chose qui commence à dire, il y a intérêt à ce qu'on commence à préserver pour les centaines d'années à venir. Parce que maintenant, ma maison, je ne peux plus l'entretenir pour les 20, 30, 40 prochaines années. Subitement, tout d'un coup, si je me réincarnerais, me rappelant qui j'étais, alors, je ne suis plus intéressé, là, tout démolir. Mais c'est de l'inconscient, c'est-à-dire que la majorité qui n'ont pas de dométhérique. Ils en ont des prémices, là, mais ce n'est pas de métérique qui peut leur amener la conscience. Par contre, ils sont assujettis au monde de la mort. Dans le monde de la mort, certains parmi vous faites des dométériques, c'est-à-dire créer l'expérience de la création moroncielle du dométérique de l'astral. Et les individus commencent à se rendre compte que la planète va servir à un moment donné un peu plus que sur 60 ou 70 ans. Mais c'est du début. Mais dans votre cas, il faudrait que ce soit plus qu'un début. La prochaine conférence, quelles sont les influences de nos vies antérieures sur notre vie actuelle? Oui, bien, c'est une belle suite à ce que je viens de dire là, parce que on va aller planter quelques ancêtres. On parle d'évolution de 500 ans là-dedans. OLEDN de Longueuil, mercredi le 7 juin 1989, comme de raison, à 19h30. Alors, ben voilà, bonne semaine.